Le chevalier surprend son père par son obstination, ou l'inquiète par son emportement. Il y reste 6 mois enfermé. Peu à peu, il reprend goût à la lecture. Puis les conseils et l'exemple de Tiberge l'incitent à renoncer définitivement au plaisir du monde. L'état ecclésiastique sera seul capable, pense-t-il, de lui donner le bonheur, par une vie paisible et solitaire. Il décide donc de rejoindre Tiberge au séminaire de Saint-Sulpice. Il s'y fait bientôt remarquer pour sa ferveur et ses progrès. « Je me croyais absolument délivré des faiblesses de l'amour. Cependant, un instant malheureux me fit retomber dans le précipice. J'avais passé près d'un an à Paris sans m'informer des affaires de Manon, cette charmante et perfide créature. Le temps arriva auquel je devais soutenir un exercice public à la Sorbonne. Mon nom fut ainsi répandu dans tous les quartiers de Paris. Il alla jusqu'aux oreilles de mon infidèle. Elle vint en Sorbonne avec quelques autres dames. Je n'eus pas la moindre connaissance de cette visite. Je retournai à Saint-Sulpice, couvert de gloire et chargé de compliments. Il était 6 heures du soir. On vint m'avertir, un moment après mon retour, qu'une dame demandait à me voir. J'allai au parloir sur le champ. J'y trouvai Manon, plus aimable et plus brillante que je ne l'avais jamais vue. Elle était dans sa 18e année. Je demeurai interdit à sa vue. Elle me dit d'un ton timide qu'elle confessait comment son infidélité méritait ma haine. Elle me répéta, en pleurant à chaudes larmes, qu'elle ne prétendait point justifier sa perfidie. « Que prétendez-vous donc ? » m'écriai-je encore. « Je prétends mourir, » répondit-elle, « si vous ne me rendez votre cœur, sans lequel il est impossible que je vive. »